est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. J'étais très affairée aux choses du lit, sans distinction de jour et de nuit. Mais pour la fille voluptueuse, le service est tout de même intéressant. Tantôt elle a affaire avec un commis de maison de commerce, ou avec un ouvrier, tantôt avec un bonze, ou un acteur. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont différentes. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'émission Que voici va se situer à mi-chemin de la grivoiserie et de la pudibonderie. Vous comprendrez peut-être mieux cet insipide qui vous intriguera peut-être si je vous dis que nous allons parler de l'érotisme et de la sexualité au Japon. L'occasion m'en est donnée par la parution du livre que deux auteurs reconnus viennent de consacrer à ce thème. Philippe Ponce a été pendant de longues années le correspondant du Monde à Tokyo, d'où il envoie toujours des articles très appréciés. Pierre-François Souiri, qui est devant moi, a dirigé là-bas la maison franco-japonaise et il est professeur émérite à l'université de Genève. Il y a déjà belle lurette que l'historiographie la plus savante n'hésite pas, et elle fait bien, à aborder des domaines qui auraient paru extravagants à la Sorbonne d'autrefois. Nous allons, je l'espère, réussir à démontrer qu'à condition, bien sûr, de considérer le sujet selon les mutations qu'il a pu connaître dans la longue durée des siècles, il a beaucoup à nous dire sur les équilibres et sur les déséquilibres successifs d'une société, selon les époques, entre la tolérance et la répression, entre les pratiques et les rêves, entre le dissimulé et l'ostensible. Nous le ferons naturellement depuis notre continent et nous ne fuirons pas la comparaison entre ces deux mondes. D'abord puisque c'est ici que nous sommes et que l'histoire comparative est stimulante. Ensuite, parce que l'influence des pays occidentaux, après qu'ils ont forcé l'ouverture de l'archipel dans la décennie 1850, comme après l'effondrement de 1945, a été grande à cet égard comme à d'autres. Mais sans qu'elle efface en profondeur l'originalité des comportements japonais dans le domaine du sexe et de l'amour. Concordances et différences vont ainsi être abordées ce matin de manière aussi spatiale que temporelle. En route donc, allègrement, vers ses rivages lointains. D'aucuns diront que la fallacieuse beauté créée par la pénombre n'est pas la beauté authentique. Toutefois, nous autres orientaux, nous créons de la beauté en faisant naître des ombres dans des endroits par eux-mêmes insignifiants. Des branchages, assemblés et les noués, voici une hutte. Dénouez-les, vous aurez la plaine comme devant, dit le vieux poème. Et notre pensée, somme toute, procède selon une démarche analogue. Je crois que le beau n'est pas une substance en soi, mais rien qu'un dessin d'ombre, qu'un jeu de clair-obscur produit par la juxtaposition de substances diverses. De même qu'une pierre phosphorescente qui, placée dans l'obscurité, émet un rayonnement, perd, exposé au plein jour, toute sa fascination de joyaux précieux. De même, le beau perd son existence si l'on supprime les effets d'ombre. Bref, nos ancêtres tenaient la femme, à l'instar des objets de laque à la poudre d'or ou de nacre, pour être un être inséparable de l'obscurité, et autant que faire se pouvait, ils s'efforçaient de la plonger tout entière dans l'ombre. De là, ses longues manches, ces longues traînes qui voilaient d'ombre les mains et les pieds, de telle sorte que la seule partie apparente, à savoir la tête et le cou, en prenait un relief saisissant. Pierre-François Souiri, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Je viens de vous proposer un extrait de L'éloge de l'ombre, un livre de Junichiro Tanizaki, un livre de 1933, qui était lu par Guillaume Gallienne sur France Inter le 10 avril 2010. Bonne introduction, non ? Oui, alors c'est un auteur évidemment très important qui a beaucoup écrit sur les relations entre les hommes et les femmes à l'époque où il vécut, c'est-à-dire pour l'essentiel avant-guerre et juste après-guerre. Et cet ouvrage, L'éloge de l'ombre, est un de ses ouvrages les plus saisissants, qui a été traduit dans la plupart des langues occidentales. C'est un ouvrage assez curieux parce que c'est un ouvrage à la fois poétique et aussi un petit peu comique presque par instant, parce que Tanizaki se moque de lui-même d'une certaine façon en exagérant l'importance qu'a l'ombre dans la société japonaise. Alors, ça nous va assez bien puisque très souvent nous regardons le Japon selon des clichés, des stéréotypes. Oui, il s'en moque, il s'en saisit pour en faire Il s'en saisit pour en faire autre chose. C'est une sorte de réaction en fait à la développement de l'électricité dans les appartements et dans les maisons japonaises. Il faut savoir, par exemple, que l'empereur Meiji, donc qui vécut à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle... Entre 1853 et 1912. Oui, avait interdit que l'on installe l'électricité dans sa chambre à coucher. Il avait accepté beaucoup de choses, y compris de se promener avec un uniforme occidental et de boire du champagne, alors qu'il détestait le champagne. Mais ça, sur la chambre à coucher, il avait absolument refusé. C'est le temps aussi où en Occident, en Europe, certains ambassadeurs refusaient le téléphone pour ne pas être sonnés comme leur maître d'hôtel par le ministre. Oui. Et donc, d'une certaine façon, Tanizaki s'amuse, joue en fait avec ça. Mais c'est un très très beau texte. Je voudrais que nous commencions notre conversation en parlant des mots, de la difficulté de la traduction. C'est souvent très très éclairant. Votre livre s'appelle « L'esprit de plaisir ». Le mot de plaisir en japonais. En fait, c'est une expression japonaise que nous avons traduit ainsi. C'est asobi no seishin. Alors, asobi signifie le divertissement en réalité. Et il y a une pluralité évidemment sémantique beaucoup plus importante qu'en français. Par divertissement, on entend bien sûr les jeux d'enfants, mais aussi les jeux d'adultes. Comme par exemple le concours de poésie, ce genre de choses. Et puis également le plaisir de la séduction. Le plaisir d'entretenir avec une autre personne une relation donc de séduction. Le verbe asobu qui signifie donc se divertir veut aussi dire par moments consoler, par moments vagabonder, errer, du point de vue de l'esprit en tout cas. Et donc les femmes de divertissement, les asobime, c'est-à-dire ce que nous on traduit souvent par femmes galantes, sont des femmes qui, danseuses, chanteuses et éventuellement prostituées, sont des femmes qui sont distinguées à la fois par leur beauté physique, mais aussi par leur belle manière, par leur élégance, par une forme de stylisation esthétique. Et l'asobime, donc ce genre, ces femmes galantes, consolent autant qu'elles distraient. C'est donc ce registre sémantique extrêmement large que nous avons rendu de façon un peu pauvre par l'esprit de plaisir. Vous dites quelque part que dans cette civilisation, souvent on a le sentiment que le plaisir de désirer l'emporte sur le plaisir de l'assouvissement. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé avec Philippe Ponce, nous avons parlé d'érotique pour désigner... les relations sexuelles, ou du moins une partie des relations sexuelles, au cours de l'époque Edo. Pourtant, le mot érotisme, forcément, comme il vient du grec, est arrivé tard. Oui, il est arrivé tard au Japon. Il a été utilisé qu'à partir de la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, mais avec d'autres consonances, d'autres dérivations. En particulier, ça désigne tout simplement les choses un petit peu salaces, un petit peu obscènes, un petit peu contre nature presque, et ce qui n'est pas du tout donc le sens qu'on peut retrouver dans un certain nombre de mots japonais comme koshoku à l'époque d'Edo, qu'on peut traduire par exemple par volupté. Ce qui frappe à vous lire, quand forcément de façon implicite vous faites une comparaison avec l'Occident, c'est que vous montrez qu'on est loin de celui-ci, quand il est tiraillé entre l'admiration des corps qui sont créés à l'image de Dieu et la honte de les représenter avec les organes sexuels au complet. Oui, alors c'est une des caractéristiques de cette sexualité, en tout cas à l'époque telle qu'elle apparaît, bien sûr, dans les textes ou dans les images de l'époque d'Edo. Il n'y a pas véritablement de séparation entre sexualité et plaisir, ou entre sexualité et séduction. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît. Alors, peut-être que dans les pratiques, c'était légèrement différent dans la réalité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui relève de cela. Et on essaie d'expliquer dans ce livre qu'il existe une succession de régimes de sexualité entre le XVIIe siècle et le XXe siècle. Parce que l'époque Edo, elle va du XVIe siècle jusqu'à l'ouverture du Japon par les Américains au mi-temps du XIXe. Et comme idée sous-jacente, c'est très clair en vous lisant, vous montrez que les mœurs sexuelles relèvent toujours moins d'un invariant qu'on supposerait universel que d'une construction culturelle. Voilà, alors on est dans une construction culturelle qu'il s'agit évidemment de décrypter sans utiliser nos présupposés, nos préjugés d'hommes et de femmes du XXIe siècle, mais en même temps se fondant sur des textes ou sur des illustrations qu'on essaie évidemment de décrypter, d'interroger, car il y a toute une littérature, vous imaginez bien, au Japon sur la question, une littérature historique, et nous sommes beaucoup appuyés aussi sur les ouvrages des historiens, surtout des historiennes et des anthropologues qui ont travaillé sur ces questions pour essayer d'éviter, autant que faire se peut, les contresens. Alors cette période, ce sont 2 siècles et demi donc de paix, de développement marchand, certains déclins des samouraïs. Vous avez écrit un très beau livre sur les samouraïs, donc je ne fais que vous suivre. Au fond, on pourrait presque parler, en utilisant le titre d'un livre fameux de Norbert Elias, de la civilisation des mœurs. Oui, alors il existe à l'époque d'Edo ce que nous avons donc appelé un régime de sexualité qui est dominé par la figure prégnante du samouraï. Le samouraï, c'est un guerrier. Le guerrier est à la tête de la société. Ce sont eux qui, évidemment, ont le pouvoir politique, une grande partie du pouvoir économique parce qu'ils sont à la tête de fiefs considérables. Et par ailleurs, ils contrôlent l'administration. Mais ils représentent aussi, dans l'imaginaire de l'époque, l'homme, la virilité, le vrai homme. Et ça, c'est quelque chose qui va petit à petit s'effriter au cours des siècles de l'époque d'Edo. Il y a une sorte de critique, de fait, qui apparaît, même si ce n'est pas une critique construite comme à l'époque des Lumières en Europe, par exemple, mais une sorte de critique de ce que sont ces personnages qui, en réalité, tiennent le pouvoir, mais dont la puissance économique et la puissance culturelle est en train de s'affaiblir au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Ce qui a forcément des conséquences sur les relations entre les hommes et les femmes, et plus largement sur donc, l'érotisme. Exactement. Et donc, on a à partir, disons, de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, une sorte de retournement, c'est-à-dire que le samouraï, qui était considéré comme l'homme par excellence, y compris dans le regard des femmes, devient au contraire un sujet de moquerie de la part des caricaturistes, de ceux qui fabriquent de ces senryu, c'est-à-dire ces poèmes comiques. Et il y a une sorte non pas de perte du pouvoir, mais de perte du prestige de ces catégories sociales qui, en partie d'ailleurs, vont expliquer l'effondrement du régime aux alentours de 1860. Il n'y a donc pas comme seul ressort de cet effondrement l'arrivée des Américains et puis des Occidentaux. C'est un processus qui a commencé bien longtemps avant l'arrivée des Occidentaux, qui a sans doute été accéléré par ceux-ci au moment où ils sont arrivés au Japon, évidemment. Alors sur les libertés des mœurs, les contraintes, cela ne peut pas ne pas avoir des conséquences. Je vais vous faire entendre un extrait de « La vie d'une amie de la volupté » de Saikaku, un livre de 1686, qui est lu ici par Virginie Billedou sur France Culture le 29 novembre 1977. Et puis vous replacerez ça, si vous voulez bien, Pierre-François Souiri, dans l'évolution d'une société, celle que vous dites. Rien de plus étrange que l'amour. Alors que ceux qui étaient épris de moi étaient tous élégants, et qu'il n'y en avait aucun qui ne fût beau garçon, je n'éprouvais rien de particulier pour eux. Un jeune blanc-bec de samouraï, de basse condition, appartenant à la maison d'un certain noble personnage, et qui aurait dû plutôt me déplaire, avait dès sa première lettre usé d'un style qui m'entraînait à sacrifier ma vie pour lui. Souvent il m'écrivait, et je fus bientôt captivée. Un beau jour, je commençais à l'aimer, à en perdre toute tranquillité. Malgré la difficulté de le rencontrer, j'en triomphais et je me donnais à lui. Mais, au malheur, l'homme perdit la vie à cause de cette affaire. Les 4 ou 5 jours qui suivirent, je ne me possédais plus. Soit éveillée, soit la nuit où, près de mon oreiller d'insomnie, apparaissait sa forme muette. Elle me remplissait d'un tel effroi que je pensais abandonner cette vie. Mais les jours passant, j'oubliais tout à fait cet homme. Quand j'y songe, Il n'y a personne qui soit aussi frivole et de cœur changeant que les femmes. Comme à l'époque, je n'avais moi-même que 13 ans, les gens considérèrent l'incident avec indulgence. Ce sont les souvenirs d'une vieille femme qui évoque sa vie de prostitution. Oui, racontée par un auteur masculin, il faut quand même le préciser. Donc cette femme n'existe pas, c'est une fiction. Ihara Saekako est un grand auteur qui a inventé un genre littéraire particulier à la fin du XVIIe siècle. Et il met effectivement en scène des personnages, dont cette femme qui est donc, en traduction française, une amie de la volupté. Comment pourrait-on définir les relations entre les sexes, l'idée de la femme, de la fidélité, de la chasteté? Le divorce et la répudiation sont beaucoup plus aisés qu'en Occident. Oui, alors au XVIIe, XVIIIe siècle, les choses se passent de la façon, à peu près de la façon suivante. D'abord, il n'y a pas au Japon de mariage sacré. Donc il y a une sorte de contrat entre deux familles et l'épouse entre dans la maison du mari. Enfin, c'est le cas le plus fréquent, parfois c'est l'inverse aussi. Mais il n'y a pas en quelque sorte ce caractère sacré de la chose. Et par ailleurs, la polygamie est institutionnalisée. Ça ne veut pas dire que chaque homme a plusieurs femmes, ça veut dire que les plus riches peuvent entretenir, en plus de leur épouse officielle, des épouses secondaires. L'épouse devant l'accepter, ça. L'épouse devant l'accepter, celles qu'on appelle donc les fameuses concubines. Il peut avoir également des enfants de ses concubines et décider, puisque c'est lui le seul maître, que ce sera un enfant de cette concubine qui lui succédera. Alors les choses sont évidemment un peu complexes, ça dépend évidemment des familles et des périodes, mais en gros c'est comme ça que se passent les choses. La répudiation de ces épouses officielles est possible par une série de dispositions qui sont très simples, c'est-à-dire que l'homme peut rédiger un billet de 3 lignes et demie et répudier sa femme sans qu'elle puisse réagir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, alors là on a l'impression de voir, on a l'impression d'être en présence d'un régime extrêmement patriarcal et autoritaire, mais dans la réalité on voit que souvent ce sont les femmes qui obligent les maris à rédiger les fameuses 3 lignes et demie, les mikudarihan comme ça s'appelle, et il y a plusieurs textes qui nous le montrent, dans lesquelles les femmes, finalement, menacent de quitter la maison si l'homme n'accepte pas un certain nombre de choses. Et si l'homme ne l'accepte pas, alors elle lui dit « rédige les fameuses lignes ». C'est une façon assez curieuse de divorcer. Est-ce que c'est une période où le début de l'esquisse d'un féminisme peut être repéré ? À l'époque d'Edo, ça, je pense pas qu'on puisse parler d'un début de féminisme. Mais dans ces milieux de riches marchandes, ces classes émergentes, la situation de la femme, on a l'impression qu'elle évolue. Alors, il y a une évolution en ce sens que l'objet, en quelque sorte, du désir féminin n'est plus le guerrier, ou de moins en moins le guerrier, et de plus en plus, non pas des personnages qui sont fort courageux et physiquement puissant, mais au contraire des gens qui sont plus lettrés, intellectuels et plus subtils, on va dire. Il y a une sorte d'évolution des mœurs qui se fait au cours de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, dans lesquelles les femmes sont sans doute un peu moins opprimées que dans la période précédente. Tout est relatif, bien entendu. Et l'arrivée des Occidentaux et la reprise en main du système avec l'époque Meiji, donc ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, constitue donc pour les femmes en fait en réalité une sorte de recul par rapport à la période précédente. Juridique, recul dans la situation de la femme, au sein de la famille, etc. Je vois que à la fin du XVIIe siècle, à lire le Trésor des femmes, qui est une sorte de manuel qui informe sur la situation de la femme très directement et sur lequel, Pierre-François Spuri, vous avez largement fondé votre analyse. Je vois qu'au fond, la tendresse et la gentillesse sont des qualités féminines qui traversent tous les milieux sociaux, plus que la chasteté, plus que la fidélité. Savoir écrire de manière élégante, lire de la poésie et être capable de l'étudier, savoir coudre et tisser, dessiner et arranger les bouquets de fleurs, connaître les règles des jeux de société, connaître les parfums et le thé, être capable de composer des ringas, c'est-à-dire des poèmes qui s'enchaînent les uns sur les autres, savoir se coiffer correctement, tout cela fait partie des choses qui rendent une future épouse attirante. Comment commenter cet extrait ? Oui, on assiste à l'époque d'Edo, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, à une évolution progressive du rapport de la société à l'écriture en particulier. De plus en plus de personnes savent, apprennent à lire et à écrire. Et dans les milieux, évidemment, dans les milieux aristocratiques, dans les milieux dirigeants, les femmes ont toujours su écrire et lire. Ça remonte aux époques très anciennes, dès l'époque de Heian, aux alentours de l'an 1000, même avant. Les femmes de l'aristocratie savaient parfaitement manier la poésie et bien sûr l'écriture. Une femme qui serait ignare n'avait aucune chance de réussir dans l'univers de la cour impériale autrefois. Mais à l'époque d'Edo, c'est un peu la même chose qui se reproduit, sauf que c'est plus uniquement le milieu de la cour qui est en question, c'est l'ensemble de la société, ou une grande partie de la société. Et donc dans les couches marchandes, dans les couches d'artisans, et même parmi les paysans riches, les hommes et les femmes savent de plus en plus lire, écrire et compter. Donc l'éducation est un élément central dans cette société. Le nombre d'écoles se développe partout au cours des siècles. Et on arrive d'ailleurs à des taux de, non pas d'alphabétisation puisqu'il n'y a pas d'alphabet, mais en tout cas des taux qui sont tout à fait considérables aux alentours de 1860. Avec probablement la moitié de la population qui sait déjà lire et écrire. Sur ce fond de tableau, on voit se développer les manuels de plaisir. Voilà, alors, comme les gens savent lire précisément, de plus en plus de textes évoquent non seulement la fiction ou les informations habituelles, mais également les manières de se conduire dans le domaine de la sexualité. Et là, il y a des différences énormes entre les manuels qui s'adressent aux femmes de guerriers et les manuels qui s'adressent aux femmes du peuple, enfin les femmes ordinaires. Quelle différence ? Alors, la différence, c'est que les femmes de guerriers doivent, en quelque sorte, se soumettre au bon vouloir de leur mari. Elles ne peuvent contester leur manière de se situer vis-à-vis des autres concubines et, d'une certaine façon, doivent tout faire pour que leur mari soit satisfait. Donc le plaisir qu'elles peuvent prendre n'est que secondaire par rapport à celui du mari. Or, on constate que dans les couches populaires, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'est le mari doit se soucier de la bonne santé de son épouse et en conséquence, avoir avec elle des relations qui aboutissent sur le plaisir de l'épouse en question. Donc le plaisir de l'épouse est très important. Comment expliquer ce contraste entre ces deux catégories sociales ? Ben, c'est pas simple. C'est pour ça que je vous le demande. C'est pas simple. Il y a, je crois, dans la société guerrière, il y a une telle prédominance des figures patriarcales, voire même machistes, que la situation de l'épouse est considérée comme secondaire. Dans les couches plus roturières, les femmes participent, en fait, à l'activité de la maisonnée, travaillent, souvent, dans les échoppes, dans les champs, etc. Et donc, il y a un rapport, probablement, d'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut pas non plus l'exagérer, mais il existe un rapport de relative égalité entre les hommes et les femmes qui est beaucoup plus sensible dans les milieux populaires. Et l'idée qui est sous-jacente à ça, qui est une idée qui vient, en fait, du taoïsme chinois, c'est que une sexualité épanouie est une garantie de bonne santé. Et que si on veut garder son épouse en bonne santé, eh bien, il faut s'en occuper correctement. Il n'empêche que pour ce qui est de la première catégorie sociale que vous évoquez, la femme dominée, on peut lire ses conseils, je vous cite, dans des manuels de plaisir très pratiques, donner à la femme ne pas remuer ses hanches de manière trop lascive et à l'approche du plaisir ne pas se laisser aller à des mots vulgaires, ne pas embrasser son époux de soi-même, retenir ses gémissements. Les épouses doivent obéir à toutes les demandes de leur mari, y compris regarder en sa compagnie des estampes érotiques et le laisser, s'il le souhaite, fourrer ses mains dans des endroits secrets. Fin de citation proposée par Pierre-François Souéry dans son livre sur l'érotisme au Japon. Oui, alors ce que vous décrivez là, c'est effectivement la situation donc parmi les couches guerrières, telle qu'elle est décrite, en tout cas au XVIIe siècle, dans un texte assez amusant. Mais cette pratique était quand même limité à certains milieux. Il faut bien, comment dire, il faudrait essayer de distinguer complètement, à mon sens, la sexualité dans les couches guerrières et dans le reste de la population. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il y a ces fameuses estampes japonaises dont l'évolution est elle-même intéressante à évoquer. Oui, on a développement d'une iconographie érotique qui apparaît aux alentours de 1660-1680 et qui, avec l'évolution des techniques et de la polychromie, devient de plus en plus raffinée au cours du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Mais ces estampes représentent évidemment des sujets érotiques ou pornographiques. Mais il faut savoir que l'usage qui en était fait est très différent de la pornographie actuelle. C'est-à-dire que c'est un usage collectif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on regardait ça, on regardait ces estampes en famille, parfois comme manière d'éduquer les plus jeunes. C'était aussi des estampes drôles, c'est-à-dire qu'il s'agissait de... Enfin, on riait en regardant ces estampes. Et les Occidentaux qui sont arrivés au Japon dans les années 1850-60 ont souvent été choqués par la manière dont les personnes avec lesquelles ils bavardaient ou dînaient utilisaient ces estampes. Par exemple, à la fin d'un repas arrosé, un samouraï sort de son sac une estampe en disant « Regardez celle-là, elle est extraordinaire ». Et tout le monde autour de la table s'esclave, sauf les Occidentaux qui sont un peu choqués. On comprend pourquoi pendant l'ère victorienne, qui a été l'ère Meiji, beaucoup de ces estampes ont été malheureusement brûlées, ce qui ne donne que plus de prix à celles qui subsistent. Tout à fait. Il y a une observation que vous faites et qui frappe, c'est que la virginité des filles n'est pas taboue là-bas, ce qui confirme l'idée que, décidément, dans ce domaine, les constructions culturelles sont plus importantes que des invariants. Je vois que le consul plénipotentiaire américain, au milieu des années 1850, à la fin donc de la période Edo, Townsend Harris, écrit ceci à propos d'une conversation avec le vice-gouverneur de la province, où il est. « Je lui ai demandé ce qu'un homme faisait lorsqu'il se mariait avec une femme supposée vierge et il découvrait que celle-ci ne l'était pas. « Mais je ne ferai rien », répondit le gouverneur. Il ajouta naïvement « Ça m'est déjà arrivé, mais que pouvais-je donc faire ? Ce n'était pas de ma faute, quand même !» Oui, oui. Et c'est c'est quelque chose qui avait assez étonné les missionnaires catholiques quand ils sont arrivés au Japon au XVIe siècle. En fait, l'absence de tabou sur la virginité des filles est quelque chose qui est très ancien apparemment, qu'on peut expliquer de façon un peu matérialiste, de façon un petit peu peut-être simple, en disant que les Japonais, à cette époque-là, pratiquent facilement l'adoption. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de transmettre évidemment l'héritage, comme dans n'importe quelle société. Mais à partir du moment où l'adoption est très répandue, le fait que les filles soient vierges ou pas n'a pas grande importance. Une autre donnée qui frappe, sont les relations très différentes par rapport à l'Occident avec la notion de nudité. Les bains publics renvoient plutôt à l'époque romaine. Oui, alors il existe des bains depuis très longtemps, depuis au moins le XIVe siècle, et la pratique se répand considérablement au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Dans ces bains sont mixtes. Les hommes et les femmes donc font leurs ablutions, avec les enfants d'ailleurs, en commun. Le bain n'est pas vraiment un lieu érotique d'ailleurs. La nudité des corps, les Japonais y sont finalement habitués à ces époques-là. D'ailleurs, parfois, on se baigne dans son jardin ou devant sa maison sans que ça choque plus que cela. Donc c'est intéressant parce que dans les illustrations érotiques ou pornographiques, les corps nus, entièrement nus, surtout les corps féminins entièrement nus, sont extrêmement rares. Précisément parce que la nudité complète n'est pas érotique en soi. Ce qui est érotique, c'est le fait de cacher une partie du corps, notamment avec des kimonos ou des vêtements d'hiver. Et c'est ce jeu sur le vêtement sur l'ombre et la lumière, comme disait Tanizaki tout à l'heure, à propos de l'éloge de l'ombre, qui est important dans l'érotisme japonais tel qu'il se développe à ces époques. Le visiteur qui est le comte de Beauvoir, je ne sais pas si... Il a probablement une relation de famille avec Simone de Beauvoir, longtemps après, qui est un visiteur au début de l'ère Meiji, écrit à propos de ses bains, « Tous sont là, pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes gens et jeunes filles en costume d'archange. On frotte, on se promène, on vient demander une cigarette aux nobles étrangers. Les tatouages les plus splendides des hommes brillent au milieu de roses, aux couleurs des nymphes enjouées, que des frotteurs en titre savonnent et essuient. Ces braves gens, font tout cela avec un tel sang-froid, ayant l'air de trouver la chose naturelle, que pour un rien, je crois, nous nous mettrions de la partie, le comte de Beauvoir, nous mettrions de la partie sans croire déroger à ce préjugé social qu'on appelle le « shocking ». Fin de citation. Oui, c'est un texte donc des années 1860, je crois, ou 70, qui effectivement est assez typique de ce qu'ont vu les Occidentaux à cette époque-là. Il y en a, c'est assez fréquent de voir leur réaction. Alors certains sont comme le comte de Beauvoir plutôt amusés de la chose, voire même y prend un certain plaisir. D'autres au contraire sont véritablement choqués. Et pour eux, le Japon est un pays barbare parce que la nudité est affirmée en quelque sorte. Et donc la modernisation telle qu'elle va s'accomplir à l'époque Meiji passe aussi par un processus de domestication des corps. Le fait de se promener semi-nu dans la rue devient interdit. Le fait de marcher pieds nus devient interdit, etc. Et puis, ce qui frappe aussi les voyageurs étrangers, c'est la prospérité des lieux de plaisir. Il y a tout un quartier à Edo, c'est-à-dire Tokyo aujourd'hui, qui s'appelle Yoshiwara et où ils vont avec un mélange d'attrait et d'effroi. Qu'était-il ce haut lieu de la prostitution, Pierre-François Souiri? Alors, il existe à partir du XVIIe siècle des concentrations de prostituées qui sont organisées par les pouvoirs publics dans des quartiers qu'on désigne comme sous le terme en japonais de citadelle ou de quartier de plaisir, qui rassemblaient donc une prostitution officielle, autorisée, et qui étaient donc des lieux de perdition, des mauvais lieux. Ces femmes étaient à l'intérieur de quartiers fermés, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on les appelle les citadelles, et elles ne pouvaient en sortir. Parmi ces femmes, il y avait des prostituées de toutes catégories, mais aussi des courtisanes, des dames galantes, dont le rôle culturel a été très important au cours des siècles d'Edo, parce que c'est elles qui donnaient le ton de la mode, le ton d'une certaine culture, la poésie également, et ces femmes de haute tenue, ces courtisanes étaient en quelque sorte des stars de l'époque. Mais elles vivaient dans ces quartiers, elles officiaient dans ces quartiers, le temps que leur beauté ne se fane pas, et puis faisaient autre chose. Longue durée de Yoshiwara, on comprend pourquoi sa fermeture officielle, 31 mars 1957, a beaucoup frappé l'opinion au Japon. Ah oui, parce que les quartiers de plaisir ont été donc fermés à cette époque-là. Ils étaient tombés en désuétude depuis longtemps, mais quand même... Cette haute culture qui leur avait permis d'exister en tant que lieu central de l'imaginaire culturel à cette époque-là avait disparu depuis très longtemps et seul restait en quelque sorte une prostitution de bas niveau. Mais la fermeture des quartiers de plaisir en 1957 a marqué évidemment les imaginations au Japon et c'est en gros là-dessus que nous voulions terminer ce livre. Écoutez donc cette chanson d'une courtisane de l'époque Edo accompagnée au shamisen, c'est-à-dire la guitare japonaise. C'est un genre qu'on appelle le ko-uta. Que nous chante cette courtisane? Alors c'est un vieux morceau du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe, je ne sais plus. Ce sont les chants qu'ont inventés les courtisanes avant qu'elles s'appellent des geishas proprement dites. Et ce sont des chants qui sont souvent empreints d'une certaine mélancolie ou nostalgie. Il y est souvent question du monde flottant, c'est-à-dire de cette existence qui est un peu ballottée chez les courtisanes, ballottée par les événements de la vie, par les rencontres successives qui souvent débouchent sur rien justement et qui rendent leur existence souvent difficile, souvent pénible. Quelle est la place de l'homosexualité? Quel regard la société jette-t-elle sur elle? Une citation encore d'un extrait du roman « Le grand miroir de l'amour mâle » de Ihara Saikaku, qui date de 1687, qui est ici lu par Éric Herson-Macarel sur France Culture, le 20 mars 2001. Il y avait au service d'un certain chambellan un garçon du nom d'Itami Ukyo, excellent en poésie et d'une éblouissante beauté. Serviteur de la même maison, Mokawa Uneme, âgé de 18 ans cette année-là, était un jeune homme sain et moderne. Un jour, en apercevant la silhouette pleine de séduction d'Ukyo, il fut bouleversé, transporté dans un autre monde, fasciné au point d'en chanceler. Dès lors, il s'alita, ce qui ne lui était jamais arrivé, se calfeutra jour et nuit et soupira en secret pour le garçon. Ses proches amis, désolés de le voir dans cet état d'affaiblissement, discutaient du remède à lui administrer. Juste alors, ses jeunes collègues qui se proposaient de visiter le malade se rendirent chez lui. Il n'eut pas plus tôt aperçu parmi eux l'élu de son cœur qu'il se troubla et chercha à se contrôler. Mais chacun se rendit compte, à son expression et à certains de ses mots, qu'il était amoureux. Est-ce que cela pourrait nous renvoyer, Pierre-François Souiri, à l'époque de la Grèce antique? Alors il y a effectivement quelque chose qui y ressemble, notamment dans les mœurs des samouraïs, des guerriers, notamment au XVIIe siècle, où l'amour mâle prend une place tout à fait importante. Il y a toujours une relation inégalitaire entre un homme mûr et un plus jeune, qui est à la fois son disciple et son amant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans la société de la Grèce ancienne. Mais d'une façon plus générale, nous sommes à l'époque d'Edo dans un régime de sexualité qui n'est pas inhibé, c'est-à-dire qui n'est pas transgressif par rapport à un interdit d'ordre moral, mais plutôt en fonction des convenances sociales. Tout ce qui était désirable pouvait être désiré. Et donc un homme pouvait tout à fait avoir une épouse et un amant et des concubines. L'érotisme n'est pas transgressif. L'érotisme n'est pas transgressif. Et on a même des situations qui sont décrites, décrites par des hommes, évidemment, donc on peut toujours suspecter ces textes de ne pas être très objectifs, mais enfin, on voit aussi des femmes se donner réciproquement du plaisir. Donc l'homosexualité masculine est très importante à cette époque-là, l'homosexualité féminine plus cachée. Donc il n'y a pas une distinction obsessionnelle entre le corps et l'esprit, comme on peut, à l'époque, l'observer en Occident. Voilà. On est donc dans une société qui, de ce point de vue-là, ne fait pas de différence. Alors, il y a par exemple, au début du XVIIe siècle, dans les années 1640, un texte tout à fait amusant où deux personnages se promènent le long d'une rivière et dissertent sur les avantages et les inconvénients d'entretenir une relation avec une femme ou d'entretenir une relation avec un homme. Qu'est-ce qui est le mieux? Il n'y a pas du tout de jugement moral. Enfin, plus exactement, le jugement moral est lié en fait à la question de la piété filiale, c'est-à-dire que si vous entretenez une relation uniquement avec des hommes, le risque c'est quand même qu'il n'y ait pas de descendance. Or ça c'est pas bien, parce que qui s'occupera du culte des ancêtres, etc. Mais nulle place à une distinction entre le normal et le pathologique en somme. Qui seront des notions qui arriveront en fait avec l'arrivée des Occidentaux. Alors venons-y, c'était dans la période Meiji, à la fin du 19e siècle, où tout à coup survient quelque chose comme un esprit victorien, et on comprend que ça a été un choc culturel. Alors, ça a été un choc culturel, oui, parce que tout a été remis en question à ce moment-là. C'est-à-dire que la question de la nudité, par exemple, la question de l'homosexualité, enfin des mœurs un peu légères, etc., tout ça est remis en question parce que le modèle dominant qui s'impose comme étant le modèle de la modernité, c'est le modèle occidental, ou plus exactement le modèle victorien, anglo-saxon, puritain. On a l'impression qu'on ne peut pas le dissocier du processus d'industrialisation et de modernisation de la société en général. Donc, il y a une répression qui se met en place sur les mœurs, qui souvent d'ailleurs est incomprise par les Japonais eux-mêmes. Par exemple, on leur dit désormais, c'est fini les bains publics mixtes. il va falloir vous laver séparément hommes et femmes. Alors, comme ils ne comprennent pas la signification de la chose, ils tendent une corde au milieu de la piscine, où il y aura d'un côté les hommes nus et de l'autre côté les femmes nues. Mais ils ne comprennent pas. Donc, on voit ce genre de choses apparaître un peu partout. Et la conséquence de tout ça, c'est quand même une répression sexuelle accrue. Il s'agit désormais de ne plus... il faut mettre les gens au travail, en fait. Cela est facilité par le fait que... Le plaisir n'a plus sa place, en quelque sorte. Cela est facilité par le fait que les gouvernants souhaitent afficher une respectabilité, oui, aux yeux de l'Occident. C'est aussi, oui, un des ressorts. Tout en maintenant quand même leur concubine. Il y a un appel à la bienséance. Une forme d'hypocrisie invraisemblable où on oblige la population à suivre un nouveau modèle, un nouveau régime sexuel, et eux continuent par contre, ceux qui en ont les moyens évidemment, entretenir une ou plusieurs concubines. Et quand on leur fait remarquer que c'est quand même pas tout à fait comme ça que ça se passe en Occident, bah certains plus intelligents que d'autres peut-être disent oui, mais les Occidentaux font la même chose, mais ils ne le disent pas. Un appel à la bienséance, à la décence, hypocritement, comme vous le dites, une condamnation de l'obscénité. Le mot apparaît, d'ailleurs les bonnes mœurs, ça paraît étrange au début, difficile à traduire. Voilà, alors le mot obscénité devient un mot lié d'ailleurs à cette modernisation du Japon. Le mot normalité aussi qui n'existait pas. Et puis bien sûr, on remplace donc ce que nous avons appelé l'ars erotica, hein, cette espèce de capacité de la société japonaise à produire de l'érotique, se transforme petit à petit et puis est dominé par cette nouvelle science sexuelle qui s'appuie donc sur le travail des médecins, la plupart d'ailleurs d'après les traductions d'ouvrages occidentaux, qui donc expliquent aux Japonais ce qui est bien, ce qui est mal, sur le plan des mœurs, et tout à fait en contradiction avec ce qui s'était passé à l'époque précédente. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, la modernisation du Japon se passe non seulement comme un phénomène qui évidemment touche bien sûr les catégories, technologiques, industrielles, etc., mais c'est aussi un choc du point de vue des mœurs et une reprise en main terrible de la société. Pour toute une série de femmes qui vivaient par exemple dans les familles de la bourgeoisie japonaise de cette époque, les commerçants, les artisans, il y a une forme de retour en arrière qui est en quelque sorte codée dans les nouvelles dispositions juridiques qui vont être mises en place à la fin du 19e siècle. Donc de ce point de vue-là, on a un retour en arrière. C'est pas que c'était allé très en avant, hein. C'est pas que la société japonaise du début du 19e siècle était une société où les femmes étaient libérées, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a malgré tout un retour en arrière qui est tout à fait significatif à cette époque. Avec déclin des quartiers de plaisir, Pierre Loti dans ses voyages l'observe non sans chagrin, sans regret. Et puis l'apparition de cette grande figure de l'érotisme de l'époque Meiji, c'est-à-dire la geisha. La geisha dont nous allons parler après avoir entendu ce témoignage de Nikos Kazantzakis, le grand écrivain grec, dans son voyage au Japon avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une lecture de Maud Rayer sur France Culture le 6 février 1978. Joie, pureté, douceur. Je songe en buvant le sec et tiède combien la vie est simple ici, à l'image de la cellule. L'amour est dépouillé de toute sentimentalité, pur et sacré comme l'eau qui désaltère la soifée. Je retrouve ici l'amour tel que le concevaient les Grecs de l'Antiquité, donner de la joie à une femme et en recevoir d'elle n'est pas un péché mortel. Autour de nous, les geishas nous regardent en riant. Elles ont des yeux clairs, innocents, aucune trace d'effronterie ni d'exhibition. La plus jeune geisha, une novice, saute sur ses pieds, prête à danser. Une pantomime simple, paisible, représentant une femme qui attend son amant. La danse prend fin. La petite se plie dans un grand salut, le front sur la natte devant chacun, et vient s'asseoir près de nous en souriant. Mais le samisen continue à jouer, et la voix de la musicienne s'élève, enchaînant sur le thème de la danse « Tatsui no naka mizanosoki ». À travers les flammes et les mers, nous sommes unis, hommes et femmes, par-delà la mort. Il flotte une odeur de saké, d'huîtres et de poudre que la sueur fait couler. À l'aube, Quand nous nous levons, les deux geishas s'agenouillent et touchent le sol de leur front en guise d'adieu. Nous avons l'impression de sortir d'un jardin fleuri qui aurait imprégné nos mains et nos cheveux d'une odeur aigre-douce d'amandier en fleurs. Ce texte, Pierre-François Souiri de Kazantzakis, restitue aux geishas leur véritable situation. Ce ne sont pas des prostituées de luxe, malgré ce que, ou pas toujours, en tout cas malgré ce que les obsessions occidentales ont parfois cru. Alors, il y a toujours eu au Japon le double phénomène, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, comme partout dans toutes les sociétés, une prostitution de masse, une prostitution, je dirais, vulgaire, et puis il y a toujours eu, à la cour de autrefois, et puis ensuite à l'époque d'Edo, et puis plus récemment à l'époque Meiji, et ça dure encore à travers la figure non plus des geishas, mais des hôtesses de bar, des jeunes femmes qui sont là pour distraire. C'est l'idée de distraction, de qu'on retrouve dans le titre de notre ouvrage, hein, l'esprit divertissement, de divertissement. Divertissement, voilà. Et donc, cette idée, c'est quand même fondée sur la séduction. C'est-à-dire que un homme se rend dans ce genre d'endroit pour se distraire, mais aussi parce qu'il existe entre les hommes et les femmes dans ces moments-là et dans l'instant de cette soirée, une forme de séduction et parfois une séduction réciproque, ou en tout cas tout l'art de ces femmes est de le laisser croire. Et cette tradition existe avec les anciennes asobime de l'époque de Heian. On la retrouve avec les courtisanes des quartiers de plaisir, les grandes courtisanes des quartiers de plaisir de Yoshiwara dont vous parliez tout à l'heure. À l'époque au XVIIe, au XVIIIe siècle, et à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, au fur et à mesure que les quartiers de plaisir deviennent de simples quartiers de prostitution, apparaît dans d'autres quartiers de Tokyo, de l'autre côté de la Sumida en particulier, de nouveaux quartiers dans lesquels officient des femmes qui ne sont pas là pour se prostituer, mais pour distraire. Ces femmes, on les appelle des artistes, des femmes artistes, en japonais geisha. Et ces femmes vont façonner tout un imaginaire érotique à la fin de l'époque d'Edo, donc à la fin du 18e, début du 19e, qui va se développer encore plus à l'époque Meiji, donc à la fin du 19e, au début du 20e. Et ce personnage de la geisha va faire fantasmer non seulement les Japonais, mais les Occidentaux. Ces geishas sont des femmes qui sont payées pour animer la conversation, être spirituel, chanter, danser, jouer de la musique, distraire. Et la différence entre les geishas officielles, en tout cas, et les prostituées, c'est que la geisha peut effectivement choisir de coucher avec un client, de faire l'amour avec un client, mais c'est elle qui décide. Personne ne peut les obliger à le faire, du moins dans le système traditionnel. Et donc c'est de cette éventualité, ce possible, à l'issue de la soirée, qui en quelque sorte rend la chose intéressante, si je puis dire. Parce que si le désir doit se réaliser immédiatement, la chose n'a plus d'intérêt. Donc il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Qui est extrêmement subtil en réalité. Oui, dans cette étude qui est le sujet de notre conversation sur l'érotisme au Japon, vous montrez comment continuellement l'attente du plaisir est plus importante dans cette civilisation que le plaisir lui-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Dans le monde de la nuit au Japon, à Tokyo, à Osaka, dans les grandes villes, il y a ce qu'on appelle les hôtesses de bar qui passent des soirées dans des bars avec des hommes et qui ne se prostituent jamais. Alors, pour clore notre conversation, il faut que nous disions un mot du XXe siècle. Pierre-François Souiri, on voit encore ce côté cyclique entre les moments comme les années folles du Japon, des années 20, où la morale paraît s'ouvrir beaucoup. Et c'est vrai aussi de nouveau dans les années 60, après l'arrivée des Américains et la défaite du Japon. Et puis dans l'entre-deux, ce moment des années de guerre, avec une mobilisation spirituelle, une mise entre parenthèses des plaisirs qui frappe. Alors, après la reprise en main victorienne, donc de l'époque Meiji, qui correspond, si je puis dire, en termes marxistes, au processus d'accumulation du capital, on a une espèce de desserrement de la société dans les années 1918-1920, avec l'apparition de nouvelles figures de femmes, ce qu'on appelle les modern girls ou les moga en japonais, qui s'habillent d'abord à l'occidental, qui se coupent les cheveux, qui se coiffent différemment des anciennes femmes de l'époque d'Edo, qui raccourcissent les jupes jusqu'au milieu du mollet, etc. Et ces moga, c'est une sorte de mode, hein, c'est pas un mouvement politique. Il existe des mouvements politiques féministes à cette époque-là aussi, mais qui sont distincts de ce phénomène. Et on a effectivement ce qu'on pourrait appeler les années folles à la japonaise dans les années 1920, avant la crise et la marche à la guerre des années 30. Il y a une sorte de desserrement qui se produit à cette époque-là avec beaucoup plus de liberté sexuelle, même si tout ça reste évidemment très superficiel. Il y a néanmoins constamment, à vous lire, on a un sentiment que l'amour hésite toujours entre l'allusif et l'impudique, entre le prime sautier et le frénétique, entre le poétique et la violence. La poésie, on la retrouve presque tout autour, pendant toute l'histoire japonaise. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire du Japon. Les élites, en tout cas, mais même dans les couches populaires, déclamer de la poésie, fabriquer de la poésie, même ces petits poèmes très courts que sont les haikai, les haiku, les senyu, c'est quelque chose auquel tout le monde s'exerce au Japon, y compris maintenant, hein, c'est encore très très très très répandu. Alors la violence, c'est autre chose, c'est quelque chose qui apparaît en fait à la fin de l'époque Edo, c'est-à-dire au début du 19e siècle, dans un moment où la société entre en crise. Moment où la société perd ses repères en quelque sorte, et on voit apparaître en effet un nouveau type de shunga, ce qu'on appelle les shunga, c'est-à-dire les estampes érotiques, qui sont fondées sur la violence. Alors on voit, alors que dans toute l'époque précédente, les shunga sont absolument dépourvus de violence, et au contraire, on montre des hommes et des femmes heureux d'être ensemble. Là, on montre pour la première fois des viols, des assassinats, des tortures, ce qui sera ensuite repris au XXe siècle dans la pornographie, dans le cadre des photos, des estampes sadomasochistes. Il y a l'affaire Abbé Sada qui frappe beaucoup. C'est une affaire incroyable, oui, qui a lieu au milieu des années 30. C'est donc une femme du peuple qui est amoureuse et perdue d'un homme. Celui-ci est tout autant amoureux d'elle. Et dans l'étreinte finale, elle l'étrangle et elle le tue. C'est une inspiration du fameux film ultérieur. C'est cette affaire qui a inspiré le fameux film d'Oshima, en effet. Qui s'appelle Corrida d'amour en japonais, mais L'Empire des Sens, 1976, qui a beaucoup frappé en Occident. Qui a beaucoup frappé en Occident, mais aussi au Japon. Cette affaire a été considérablement couverte par les médias à cette époque-là. Et cette femme a été condamnée à quelques années de prison et sortie discrètement quelques années plus tard après avoir commis ce meurtre, qu'elle n'a jamais d'ailleurs reconnu comme un meurtre, mais comme un acte d'amour. Alors évidemment, l'Amérique est aussi présente après 1945 que la Grande-Bretagne à la fin du 19e. Et écoutez cette chanson célèbre de l'après-guerre qui est une symbolique d'un syncrétisme, Tokyo Boogie Woogie, qui est chantée ici par Shizuko Kazagi, une chanteuse très connue et très célèbre là-bas. Est-ce qu'on retrouve, Pierre-François Souiri, dans notre période la plus récente, ce souci d'honorabilité en face de l'Occident? Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Ça, c'est quelque chose qui a obsédé les Japonais à l'époque Meiji, au moment où ils étaient en train de se moderniser. Et aujourd'hui encore ou pas? Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le Japon a atteint un niveau, disons, économique tel qu'il est comparable aux sociétés occidentales. Le niveau de vie n'est pas plus bas qu'en Occident. Et donc, le complexe d'infériorité qui a caractérisé une partie de la société pendant les années, la fin du 19e siècle en tout cas, est passablement peut-être maintenant passé de mode. Mais quand même, il existe effectivement, comme dans toutes les sociétés, y compris en Europe d'ailleurs, cette fascination pour les mœurs américaines et la manière dont les Américains, eux, se comportent. Il y a donc une sorte de mimétisme, parfois, qui est tout à fait vrai dans la société japonaise d'aujourd'hui. En somme, si nous revenons sur la très longue durée, Pierre-François Souiri, vous êtes frappé par les continuités ou par des évolutions cycliques entre bienséance, pudeur d'un côté et une certaine liberté des mœurs de l'autre. Si on regarde sur la longue durée, c'est-à-dire depuis qu'existe la civilisation japonaise elle-même, ces phases de répression sont finalement très brèves. C'est-à-dire que l'époque Meiji, ça dure une quarantaine d'années, et les années 30 durent jusqu'en... Enfin, les années 30, la militarisation ne dure que jusque vers 1945. Mais moi, je pense que... Enfin, c'est une hypothèse, hein, mais on pourrait penser que, en fait, dans la sexualité contemporaine, que nous ne traitons pas parce que nous sommes historiens, nous ne sommes pas sociologues ni anthropologues, il existe quand même toujours deux temporalités, en fait. Hein. Il y a d'un côté la foire à l'érotisme qu'on connaît un peu partout dans le monde, et puis il y a toujours cet univers dans lequel se maintient un semblant de jeu de séduction. Bon, ça existe encore parmi les geishas, mais c'est un peu muséifié comme tradition. Et puis, on a ce phénomène des hôtesses de bar qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est très important au Japon et continue encore de nos jours. Peut-être aussi, dans la société contemporaine, la sexualité contemporaine, une dimension ludique qui est encore prégnante, comme dans une forme de mise en scène, par exemple, les love hotels ou des choses comme ça. Les love hotels, ce sont des hôtels de passe institutionnalisés où vous pouvez louer une chambre avec tout un décor complètement rococo ou SM ou que sais-je. Donc ces love hotels, il y en a des dizaines et des centaines dans les villes japonaises où les couples peuvent se retrouver de façon discrète. C'est une habitude qui n'a pas gagné l'Occident, contrairement au sushi et au sashimi. Pas encore, peut-être. Merci, merci Pierre-François Souéry. Je rappelle le titre du livre que vous signez avec Philippe Ponce, « L'esprit de plaisir, une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon, 17e-20e siècle », qui ne sortira en librairie que le 7 octobre. Mais nous avons appris ici que le plaisir est fait aussi d'attente, n'est-ce pas? Votre éditeur est Payot. Je voudrais aussi rendre hommage à un livre un peu plus ancien, qui s'appelle « Moderne sans être occidental », un livre majeur que vous avez produit, « Aux origines du Japon d'aujourd'hui », paru chez Gallimard en 2016. Et on retrouve cette comparaison, ce rapprochement entre l'Occident et le Japon, ressemblance, différence. C'est un livre important pour vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je m'étais spécialisé dans la première partie de ma carrière sur le Japon médiéval et j'avais écrit cet ouvrage qui s'appelle « Le monde à l'envers », l'histoire du Moyen-Âge japonais. Et puis, dans la seconde partie, si je puis dire, je me suis plus intéressé au 19e siècle, au processus de modernisation. Et cet ouvrage « Moderne sans être occidental » en est le fruit. Vous avez obtenu pour ce livre le prestigieux prix du livre d'histoire du Sénat. Et de Philippe Ponce, je citerai aussi le livre qui s'appelle, il date de 2 ans seulement, qui s'appelle « Le corps tatoué au Japon », paru chez Gallimard. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster cette émission comme des dizaines d'autres, des centaines d'autres depuis 2011. Samedi prochain, nous parlerons des femmes combattantes entre le déni et le décrit. Sur la longue durée, là encore, et je recevrai Martial Poisson. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de notre cher Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine à l'histoire de la Russie secrète. Voilà qui est très attirant. Et sur une chanson de Misora Ibari, une grande chanteuse qui a symbolisé l'essor de la chanson dans les années 60. Je rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Ludovic Auger à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme toujours, la documentation et la bibliothèque de Radio France nous ont été d'un appui précieux. Dans quelques instants, je passerai le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.